Prions. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu nous donnes. Merci pour nous réunir en ta présence, Seigneur. Merci pour la joie de pouvoir te louer et fixer nos yeux sur toi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu vers qui nous pouvons venir et revenir, Seigneur, pour te demander pardon, pour te demander la force de continuer, pour te demander la force de marcher avec toi, la force de te plaire, la force d'avoir la foi en toi, Seigneur. Merci de nous aider ce matin encore par ta parole à nous transformer. Et Seigneur, je sais que tu ne veux pas qu'on donne l'impression d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui s'énerve parce qu'on est en retard. Et je te demande pardon si moi-même j'ai pu donner ce sentiment. Tu n'es pas ce Dieu-là, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut encourager, tu es un Dieu qui veut reprendre avec amour. Et Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint pour annoncer ta parole. Merci pour les merveilleuses promesses que tu nous as faites, qu'elles ne retournent pas à toi sans avoir accompli son effet. Et Seigneur, c'est notre prière. Sois glorifié ce matin dans nos cœurs, dans notre Église, dans notre ville. Nous te remercions pour nos frères et sœurs, pour les ministères qui travaillent aussi à l'annonce de l'Évangile. Encourage chacun, Seigneur. Fortifie-nous tous ensemble. Que ce soit toi qui sois exalté dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, dans ce monde, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ce matin, nous arrivons à la fin d'un livre, une lettre de Paul aux habitants de la ville de Philippe. Paul qui nous surprend une fois de plus parce que c'est lui qui aurait des raisons d'être triste, lui qui est prisonnier, qui ne sait pas s'il va être exécuté très prochainement ou pas. Et pourtant, il écrit une lettre d'encouragement à son église, à l'église qu'il avait contribué à implanter à Philippe, en Macédoine, et il veut communiquer la joie. Il apprend et il nous apprend à travers ces Philippiens que la joie, c'est pas quelque chose qui dépend de nos circonstances. Trop souvent, nous regardons la météo du ciel, mais aussi la météo de notre compte en banque, la météo de la bourse, la météo des bonnes nouvelles à la télé ou pas. Et c'est ce qui va dicter notre attitude, notre cœur. C'est ce qui va régler un peu notre degré de satisfaction dans la vie. Et quand on fait ça, on fonctionne comme des thermomètres. On est plongé dans un monde et suivant la température du monde, on va être plus ou moins chaud. Alors qu'en fait, Dieu veut que nous soyons des thermostats. Lorsque les gens sont déprimés, nous avons cette joie intérieure parce que nous connaissons Christ et nous pouvons les encourager, nous pouvons les soulever. Et si les gens sont, à l'inverse, prêts à faire la fête dans un sens vide et plein de péchés, nous sommes là aussi pour leur rappeler qu'il y a des choses importantes à considérer dans la vie. Et donc, on ne devrait pas se laisser influencer par les choses, mais on devrait être un facteur d'influence pour ceux qui nous entourent, pour le monde qui nous entoure. Paul a parlé de Christ. Encore une fois, quand on étudie la Bible, elle parle de Christ du début à la fin. Elle, en long et en large, de façon évidente, de façon moins évidente, mais comme on recherche Je crois qu'en français c'est Aldo ou Where in the World is Waldo en anglais. Quand vous lisez un livre de la Bible, cherchez Jésus. Et là, c'est pas difficile, parce que dans les 4 chapitres de ce livre, Paul nous montre que d'abord, Christ est notre vie. Il est celui qui nous la donne, et celui qui va nous la donner de façon abondante et éternelle si nous venons à lui. Mais quand on y réfléchit bien, la vie, c'est pas notre carrière, c'est pas nos études, c'est pas notre famille, c'est Christ, c'est quelque chose d'éternel. Christ est notre vie. Et il disait, vous souvenez, pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Au deuxième chapitre, il a montré que Christ est notre modèle. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle forme de mort, la mort la plus infâme, la plus humiliante, qui soit la mort sur la croix. Et certains se disent, c'est trop difficile de prendre Christ pour modèle. Non, Paul, essayez de suivre Christ, Élisée, essayez de faire ce que je fais. Et nous aussi, on devrait pouvoir dire aux autres, faites un peu comme moi et vous ferez davantage comme Christ. Le troisième chapitre nous montre que Christ est notre but. Nous sommes engagés dans une course, c'est une course d'endurance, et nous courons vers la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Et puis au quatrième chapitre, nous voyons que Christ est notre toute suffisance. Il est tout ce dont nous avons besoin. Et ça permet, lorsqu'on considère toutes ces choses, ça permet à Paul de nous rappeler qu'on ne doit pas se faire de soucis, mais qu'on doit prier pour tout. Vous vous souvenez, j'espère que c'est gravé un peu dans vos esprits, dans vos cœurs, « T'inquiète, prie ». Et il y en a des sujets d'inquiétude, on en a parlé en long, en large. Paul nous a aussi montré avoir une pensée juste. On a parlé du filtre de verset 8 du chapitre 4. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » L'objet de vos pensées. Et on a comparé en fait ça à un peu un système de filtrage de ce que nous processons, de ce que nous traitons dans notre cerveau de façon consciente ou plus ou moins inconsciente ou même inconsciemment. Et on a comparé ça à l'eau sale qui arrive dans les bassins de Rimier à Nice et qui, après décantation, traitement chimique, filtrage multiple, devient une eau potable, une eau qui rafraîchit, une eau qui fait du bien. Et nous aussi, nous sommes dans un monde de pensées nauséabondes. C'est boueux, c'est sale, il y a des choses qui flottent dessus, qui ne sont pas belles à voir. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais si nous utilisons ces filtres, est-ce que cette chose que j'ai entendue, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette chose est honorable? Est-ce qu'elle fait du bien? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle mérite l'approbation? Est-ce qu'elle est vertueuse? Est-ce que c'est digne de louange? Si vous utilisez ces filtres successifs ou ensemble, tout ce que vous allez retenir, c'est de l'eau pure. Ce sont des pensées édifiantes. Ça va être essentiellement la parole de Dieu qui est comme de l'eau pour votre esprit, pour votre âme. Aujourd'hui, on a un sujet qui est... Je suis désolé pour ceux qui arrivent... Peut-être pour la première fois aujourd'hui, il y en a peut-être qui assistent à un culte pour la première fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de notre vie avec Christ, qui est l'argent. Paul nous a dit, à partir du verset 10, plutôt du début du chapitre 4, qu'il avait verset 10, bien, oui, c'est ça, jusqu'au verset 10, qu'il avait appris à vivre dans toutes les conditions. Il a appris à vivre dans la richesse et a appris à vivre dans la pauvreté. Et ça, c'est possible parce qu'il peut tout faire, verset 13, par celui qui le fortifie, par Dieu, par Jésus-Christ qui le fortifie. Il a appris à ne compter que sur Dieu. Et si vous vous souvenez, en fait, cette lettre, elle a été écrite pour remercier les membres de l'église de Philippe en Macédoine qui ont envoyé un don financier par l'intermédiaire d'Épaphrodite pour l'apôtre Paul. Même s'il était en prison, il avait besoin d'argent. Aujourd'hui aussi, les prisonniers, s'ils ont de l'argent, peuvent acheter quelques petites choses et qui leur permet d'améliorer l'ordinaire. Paul n'avait sans doute qu'un peu d'eau et de nourriture très basique, mais il avait besoin d'argent pour donner autour de lui, sans doute, pour faire du bien, mais aussi pour ses propres besoins. Et il a décidé d'écrire cette lettre et de la renvoyer à ses membres de l'église de Philippe par le même Épaphrodite. Il les remercie, mais en même temps, il veut leur rappeler que il faut savoir recevoir, il faut savoir aussi donner. Et c'est le thème d'aujourd'hui, savoir donner et savoir recevoir. On va lire ensemble les versets 15 et suivants, jusqu'à la fin de l'Épître, page 226 dans la Bible à la Colombe. Si vous n'avez pas de Bible, vous pourrez en acheter. Est-ce qu'Anne est là? Oui, elle doit être en haut. Sinon, il y en a encore une là-bas. Lisons ensemble à partir du verset 14. Cependant, il vient juste de dire je peux tout par celui qui me fortifie. Certaines traductions disent je peux tout par Jésus, par Christ qui me fortifie ou par Dieu qui me fortifie. Et il ajoute, verset 14, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. Et puis il termine, à Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Il réagit avec émotion à leur générosité, à la façon dont Dieu les utilise pour pourvoir à ses besoins, et il s'exclame, à Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus, les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il leur a dit, en fait, il a appris à être content, satisfait de son état. Et on a vu que ça, c'était le mot qui voulait dire, qui était traduit aujourd'hui aussi en français par autarcie. L'autarcie, c'est un mot d'économie qui désigne le système d'un pays qui vit en isolement économique total et qui ne compte que sur ses propres ressources. J'avais rappelé que le seul pays récemment à avoir fait ça, c'était l'Albanie. C'était aussi le seul pays qui se disait officiellement athée. Intéressant de voir que l'autarcie peut conduire justement à l'athéisme. Je suis fort, je suis le capitaine de mon destin, je fais tout par moi-même, j'ai besoin d'aucune aide, et surtout pas celle de Dieu. Paul leur dit, moi je dépends en tout de Dieu, de Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il leur dit, mais je vous remercie d'avoir participé à ce don que vous m'avez fait parvenir. Donc, encore une fois, je ne vous ai pas demandé ou je n'ai pas mendié pour recevoir ce don, parce que ma première confiance, ce n'est pas en vous, c'est en Christ. Mais néanmoins, maintenant que vous m'avez fait ce don généreux, je vous dis merci. Savoir recevoir, c'est très important. Il leur rappelle que quand il a commencé ses voyages en Europe, quand il a quitté la Macédoine, la seule église qu'il ait soutenue financièrement, c'est l'église de Philippe. À deux reprises, lorsqu'il était à Thessalonique, il lui envoyait des dons financiers. Et donc, il leur dit, vous êtes vraiment des gens formidables, vous m'avez beaucoup aidé, vous avez été les seuls même à m'aider. Et puis, il a cette tension où il veut leur faire savoir qu'en fait, il a appris à se satisfaire de n'importe quelle situation. Il a cette phrase, « Ce n'est pas que je recherche le don. » Et on pourrait dire, une drôle de façon de remercier. La prochaine fois que vous faites un cadeau d'anniversaire et qu'on vous dit, « C'est gentil, mais je n'avais pas besoin de ça. » Ce qui est peut-être sans doute vrai. Mais vous voulez reconnaître la générosité de l'autre et apprécier son amour manifesté de la sorte. Et Paul, il a cette phrase qui peut surprendre, il dit, ce n'est pas que je recherche le don, je vous dis merci, mais en fait, je ne vous dis pas merci pour le don. Ce qui me réjouit, en fait, ce que je recherche vraiment, c'est le fruit abondant porté à votre compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Paul réalise, Paul sait, et il le dit dans beaucoup d'autres passages, Jésus lui-même disait que on pouvait envoyer de l'argent en quelque sorte au ciel lorsqu'on le donne à l'œuvre de Dieu, ici-bas. Et il dit qu'en fait, lorsque les gens donnent à une cause, que ce soit l'Église ou pour soutenir des missionnaires, ou l'œuvre de l'annonce de l'Évangile, en fait, il se crée un compte céleste. Et la bonne nouvelle, c'est que cette économie céleste, elle est solide. Elle résiste à toutes les crises financières et boursières de la planète. Si vous voulez être sûr de faire un bon investissement, leur dit Paul, faites ce que vous avez fait, soutenez le travail de l'annonce de l'Évangile, soutenez votre Église, soutenez les personnes qui se donnent à ce ministère. Et ça va vous donner un investissement céleste. C'est une chose dont on a parlé des églises de la prospérité. Encore une fois, généralement, Leur but, c'est de recevoir l'argent pour elles-mêmes, pour eux-mêmes. Et ils vous disent, pour vous faire donner, que si vous donnez une petite graine, elle vous sera rendue multipliée par 10. Vous donnez 1 000 euros et le Seigneur vous donnera 10 000 euros. Quand ils utilisent ce genre d'argument, ce n'est plus à votre générosité céleste qu'ils font appel, c'est à votre intérêt bassement matériel. Si vous donnez dans l'espoir de recevoir tout de suite davantage, quelle est votre véritable motivation? Alors c'est vrai qu'on a des promesses que si on est généreux, Dieu est généreux avec nous. Il a On peut regarder dans le sermon sur la montagne, Jésus lui-même enseignait cette vérité. C'est très important de bien mettre tout en parallèle, ensemble. Donc dans Matthieu, verset 19 du chapitre 6, page 6 dans la Bible à la colombe du Nouveau Testament. Verset 19, chapitre 6 de Matthieu, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille et l'inflation et les subprimes détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent et où les subprimes la crise financière ne peuvent pas toucher votre investissement. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si vous investissez dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre des églises, vous allez avoir à cœur de soutenir par toute une sorte d'autres activités, par la prière, par la présence, par l'implication personnelle, parce que vous aurez mis votre trésor dans les choses célestes. Par contre, si votre trésor, vous l'avez mis dans la richesse ici-bas, si vous avez mis toutes vos ressources terrestres à la bourse, alors là, votre cœur, tous les jours, il va regarder le cours de la bourse. Il va se réjouir lorsque le CAC 40 regagne 5%. Il va s'affoler quand le CAC redescend de 10%. Quand il joue au yo-yo comme ça, vous allez être un yo-yo vous-même. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On pourrait même dire que Dieu met au compte de la personne qui soutient l'œuvre d'une église, qui soutient l'œuvre d'un groupe missionnaire, qui soutient l'œuvre de personnes engagées à temps plein ou à temps partiel. Le fruit de ce travail d'église, de missionnaire, va être lui aussi porté au compte de la personne. D'où l'importance de bien investir, de ne pas donner votre argent à des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir, à des églises qui n'ont pour but que d'enrichir l'organisation de l'église. Un autre passage qui parle de ça, du fait qu'il faut que soutenir le travail de l'Église, soutenir le travail missionnaire, c'est Romains 10, 14. On peut regarder ensemble Romains 10, 14. Paul vient de dire « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il ajoute maintenant « Mais comment donc, verset 14, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Comment les gens qui ne connaissent pas Dieu pourront-ils prier vers Dieu, qu'ils ne connaissent pas encore? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Des gens qui annoncent cette bonne nouvelle. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Pour qu'il y ait des églises, pour qu'il y ait de nouvelles églises, pour qu'il y ait des missionnaires, pour qu'il y ait des gens qui aillent toucher des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, il faut qu'ils soient envoyés. Qu'ils soient envoyés, ça veut dire qu'ils soient déjà reconnus, qu'ils soient formés, qu'ils soient préparés, qu'ils soient envoyés, et ça veut dire aussi qu'ils soient soutenus financièrement par la prière, par les visites, par l'encouragement. C'est une logique implacable. Il faut que des gens aillent parler à d'autres. J'étais touché à Seattle parce que quelqu'un avait eu à cœur de commencer une œuvre là-bas et de partager la bonne nouvelle. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui ont été touchés par ce ministère. Et c'est une merveilleuse réaction en chaîne qui peut, de façon exponentielle, toucher la planète. Et c'est comme ça que l'Église du premier siècle a commencé. Des gens voyaient l'importance d'aller annoncer la bonne parole, d'aller, si on ne peut pas y aller soi-même, on peut aider quelqu'un à y aller. Encore une fois, supporter les ministères qui produisent du bon fruit. Ayez du discernement. Il y a des missionnaires en papier. C'est-à-dire qu'ils sont missionnaires seulement sur le papier. Ils envoient des photos où on les voit en train de distribuer des Bibles. Et il y a des tas d'enfants qui sont là. En fait, c'est des photos qu'ils ont prises lorsqu'ils distribuaient des tickets pour avoir une pizza gratuite. Et après, ils envoient ces photos et ce sont des histoires authentiques. Donc, ne donnez pas à l'aveuglette. Ayez une certaine connaissance du ministère et voyez s'il est digne de votre investissement. Comme vous le feriez en bourse, vous n'allez pas prendre la première publicité venue pour leur confier vos économies, votre retraite. Non, vous allez chercher un peu à vous informer. Et ça, c'est valable aussi dans le ministère, dans le soutien de tout ministère. Paul, verset 18, dit qu'il a bien tout reçu. Autrement dit, Épaphrodite n'en a pas gardé une petite partie. Non pas que ni lui ni les Philippiens n'aient eu le moindre doute sur la probité et l'honnêteté d'Épaphrodite, mais il leur dit « J'ai tout reçu et maintenant je suis vraiment dans l'abondance. » Il est reconnaissant et il leur dit que maintenant qu'il est comblé. Mais il ajoute qu'en fait, ce qui le réjouit aussi, c'est que ce don, c'est aussi comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Dans l'Ancien Testament, il était souvent question des sacrifices et de la façon dont ils étaient présentés à Dieu. Certains, c'était simplement des choses qu'on mettait sur l'autel, d'autres, on les faisait brûler en signe de totale consécration, de consécration totale. Par exemple, dans le Lévitique, je vais vous lire, pour vous remettre un peu dans l'esprit de l'Ancien Testament et de la façon dont le peuple était appelé à honorer Dieu et à lui offrir des sacrifices. Voici. Si quelqu'un, verset 11 du chapitre 7 de Lévitique, page 107, « Voici la loi qui concerne le sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de reconnaissance des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes arrosées d'huile et de la fleur de farine faite en gâteau pétris à l'huile. Il offrira son oblation avec des gâteaux de pain levé en plus de son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera en prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque oblation. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime de communion. La chair du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour de son oblation. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si l'offrande ou l'oblation de quelqu'un correspond à un vœu ou à une offrande volontaire, le sacrifice sera mangé le jour où on l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair du sacrifice sera consumé au feu le troisième jour. Et donc dans le temple ou autour du tabernacle, il y avait toujours cette odeur de barbecue. Et pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on sent cette odeur de barbecue l'été, on a l'estomac qui commence à se manifester et on n'a qu'une hâte, c'est de participer. Même si c'est les voisins, on a envie de se faire inviter. Oh, qu'est-ce que vous mangez de bon? C'est cette odeur. Dieu, apparemment, est sensible. On est créé à son image. On réagit au barbecue. Dieu réagit au parfum de bonne odeur d'un sacrifice qui vient du cœur. Les prières des saints sont aussi comme un encens qui monte et qui chatouille agréablement les narines de Dieu. Alors là, je fais de l'anthropomorphisme. Dieu est un esprit, on doit l'adorer en esprit en vérité, mais souvent, dans sa parole, il utilise des images pour qu'on comprenne mieux comment il réagit vis-à-vis de ce que nous faisons. Et il se décrit un peu en homme. Et donc, un sacrifice financier, c'est un cadeau de bonne odeur. Dieu l'accepte et ça lui est agréable. C'est un sacrifice. Sacrifice, aujourd'hui, il y a toujours ce sentiment que le sacrifice, ça coûte quelque chose. Et vous vous souvenez très bien de l'image de Jésus qui disait, voyez ces riches personnes qui font toute une des simagrées, qui se font remarquer lorsqu'ils donnent leur aumône, leur offrande, alors qu'il y a cette petite vieille, cette veuve, qui a donné juste 2 centimes d'euros. C'est rien du tout, 2 centimes d'euros, ça fait... On ne peut pas faire grand-chose. Mais elle l'a donné de ce qu'elle avait pour subvenir à ses besoins. Eux ont donné de leur superflu, elle a fait un véritable sacrifice. Et c'est pour ça que j'aime souvent répéter, ici on ne parle généralement pas d'argent, parce que c'est pas notre but de nous enrichir à vos dépens, mais la réalité c'est que pour fonctionner, et là encore une fois je précise que nous sommes tous les personnes qui travaillent à temps plein ou plus ou moins temps plein dans l'Église, les missionnaires, sont soutenus individuellement par des particuliers, des amis ou des églises, mais nullement par Calvary Chapel Nice. Je le dis pour dire que c'est dommage, parce qu'on aimerait éventuellement pouvoir salarier le pasteur, on aimerait pouvoir soutenir d'autres, les missionnaires, encourager d'autres personnes à partir et à les soutenir. Pour l'instant, toutes vos dons, vos offrandes financières servent au fonctionnement de l'Église. Et je suis reconnaissant pour tous ceux qui donnent et qui en font un point de leur démarche chrétienne. Et ce qui est très important, c'est de réaliser que ce n'est pas une question de pourcentage, c'est une question de cœur. Est-ce que vous pouvez donner 50 euros par mois? Peut-être pas. Est-ce que vous pouvez donner 10 euros? Oui, peut-être. Peut-être que vous pouvez donner qu'un euro. Mais l'idée, et là encore, ce n'est pas votre don que nous recherchons, c'est le fruit qui est porté à votre compte céleste. Et aussi, c'est l'attitude de dire que je donne une petite partie de ce que je reçois, parce qu'en fait, ce que je reçois, ça appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Du jour au lendemain, je peux me retrouver au chômage. Du jour au lendemain, je peux cesser d'avoir des droits au RMI et tout ça. Et ce qui compte, c'est est-ce que je suis prêt à investir dans l'œuvre de Dieu, à faire ce petit sacrifice qui est un parfum de bonne odeur. Et c'est vrai que Dieu était aussi satisfait, il était ému, il était touché, il allait bénir la petite veuve qui avait donné ses deux petites piécettes de 1 centime d'euro. Si vous pouvez donner davantage, donnez. Ce qui compte, c'est que vous le donniez de façon joyeuse. Il ne s'agit pas de dire, bon, Pierre a prêché là-dessus, je vais donner 10 euros, mais vraiment, j'aurais pu aller dîner avec telle ou telle personne, ça aurait été plus sympa. Oh là là, ne vous en faites pas. Il y a la blague que vous avez peut-être déjà entendue du couple où le mari cherche de la monnaie, finalement il laisse un billet de 50 euros dans la boîte qui dans le panier à offrande qui passe. Et la femme lui dit, mais tu es généreux aujourd'hui. Il a dit, non, je voulais donner 20 euros, mais je ne trouvais pas de billet, donc il fallait que je donne 50 euros. Et sa femme, qui comprenait là, ce que c'était que les offrandes, lui dit, ne t'en fais pas, je suis sûr qu'il ne mettra que 20 euros à ton crédit. Dieu va mettre à votre crédit juste la partie que vous lui donnez avec joie. Et est-ce qu'il vous est jamais arrivé de faire un don, que ce soit à une église ou à une personne ou à un enfant, de faire quelque chose d'un peu extravagant, un peu comme cette femme qui avait brisé ce petit flacon de parfum pour les répandre sur les pieds de Jésus. Alors, je ne vous demande pas de le faire, mais c'est quelque chose, lorsqu'on fait ce genre de choses, on peut en rire de joie. On dit, oh, c'est fou ce que j'ai fait, mais je pense que c'est bien. Et là encore, il s'agit de pas le faire de façon impulsive, mais de le faire parce que Dieu vous le met à cœur. Et je vais vous confesser une chose terrible, c'est de sentir que Dieu vous met quelque chose à cœur dans ce domaine et de ne pas le faire. Et de vivre pour le regretter. Je vais vous confesser qu'il y a quelques années, lorsque je travaillais à Seattle dans l'informatique, j'étais bien payé, j'avais pas de soucis d'argent. Et on connaissait un jeune, Nancy et moi, qui avait envisagé de partir faire des études en école biblique. Et tous les deux, on s'était dit, tiens, peut-être qu'on devrait le soutenir. On devrait lui faire un don, quelques centaines de dollars, pour l'aider et l'encourager que c'est quelque chose que le Seigneur veut. Et je crois que le Seigneur nous l'avait vraiment mis à cœur. Mais par négligence, par le fait qu'on s'est dit, oh, il n'y a pas urgence, on a traîné, on n'a jamais fait ce don. Et en fait, au lieu de partir en école biblique, ce jeune s'est retrouvé mêlé à de sales affaires. Il a mis une jeune fille de l'église enceinte, il est parti. Et ça a été dur parce qu'on s'est dit, en fait, on n'a pas fait ce que Dieu nous avait mis sur le cœur. Ça peut être une somme importante, des fois ça peut être une somme toute bête. Nous rencontrons des gens qui sont dans le dénuement, on rencontre des gens qui sont dans le besoin, qui mendient dans les rues. Et on a souvent tendance à dire, oh, je ne vais pas donner, ils vont aller boire. Ils vont aller boire parce que avec l'argent qu'ils reçoivent, ils n'ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi changer de style de vie et ils boivent un peu pour oublier leur situation. Et certains, je sais, le font, plutôt que de donner de l'argent, si vous avez des doutes, prenez l'argent que vous alliez leur donner, allez acheter un sandwich. Vous verrez que ce que vous vouliez leur donner, ça achèterait même pas la demi-baguette qui... Mais allez acheter un sandwich et portez-leur en leur disant, c'est le Seigneur Jésus qui m'a donné à cœur de vous donner ça. C'est tout. Et en tant qu'Église, nous avons aussi, et c'est une des raisons pour laquelle nous voulons avoir une association 1901, nous ne pouvons pas soutenir officiellement, nous le faisons un peu officieusement dans certains cas de grande détresse, et c'est toujours difficile parce que ce n'est pas légal. En tant qu'association 1905, on ne peut pas donner à des individus, on ne peut pas donner à des associations caritatives. Par contre, les associations 1901 peuvent donner à l'Église. Et en fait, lorsqu'on espère très prochainement mettre en place cette association qui pourra faire du travail social, qui pourra aussi permettre de soutenir des missionnaires au nom de l'Église, l'Église va pouvoir donner la dîme de la dîme par ce moyen. Ou un autre, il faut trouver la bonne solution. On aura un expert la semaine prochaine, Dominique Ferré, qui connaît très bien tout ce qui est réglementation au nom de la Fédération évangélique. On va pouvoir lui poser des questions pour pouvoir faire ce à quoi Dieu nous appelle. On va sans doute devoir faire une collecte une fois par mois pour donner des finances à cette association. Mais, encore une fois, si le Seigneur vous met à cœur quelque chose, faites-le. Nous avons été tellement bénis, notre foi a été tellement encouragée parce qu'il y a 2 ans, un couple dont seulement les enfants fréquentaient l'église, eux ne venaient pas à l'église, mais ils savaient que nous étions en train de jeûner et de prier pour savoir si on devait se lancer dans l'achat des locaux. Ce couple m'a appelé le lendemain matin de notre jour de jeûne pour me dire « Le Seigneur nous a mis à cœur de donner 50 000 euros pour vous aider dans l'achat de vos locaux. » Une somme énorme, surtout quand on a rien. Ce couple a été encouragé par le Seigneur. Il m'a dit, je n'ai pas bien dormi, je me suis débattu avec cette idée de vous donner ce chèque. Mais le matin, j'en ai parlé à ma femme qui m'a dit, c'est curieux. Moi aussi, le Seigneur m'a mis à cœur. Ces gens ont obéi. Et ça a été la possibilité pour nous d'envisager d'aller voir un banquier en lui disant « on n'a plus besoin que de temps ». Et puis le Seigneur a fait d'autres miracles. Personne de moyens modestes, qui vivent modestement, qui ont hérité qui ont fait un héritage, qui ont demandé autour d'eux s'il y avait un bon investissement. Quelqu'un qui connaissait a dit « Oui, il y a une église qui cherche à acheter ses locaux. » Donc ils n'ont pas pu nous les donner pour des raisons légales entre pays différents. Mais ils ont trouvé une autre solution parce qu'ils voulaient le faire. Ils ont fait un prêt à taux zéro qu'on a à rembourser seulement lorsqu'on dissoudra l'association. Lorsqu'on cessera de fonctionner en tant qu'église, alors on devra leur redonner l'argent qu'ils nous ont prêté sans intérêt. L'œuvre de Dieu, elle ne peut avancer qu'avec des chrétiens généreux. Et encore une fois, ça peut être... Et généralement, je n'aime pas savoir qui donne, qui ne donne pas, mais par les circonstances, des fois, je sais que parmi vous, il y en a qui donnent comme la petite veuve. Et Dieu le sait. C'est pas noté. On espère aussi, je vous le dis, être en mesure de permettre à ceux qui donnent par chèque ou par virement de pouvoir déduire des impôts, de leurs impôts, les sommes qu'ils donnent dans une certaine marge. Je crois que c'est 6% maintenant de leurs impôts. Enfin, peu importe. On veut aussi mettre ça en place parce que ça veut pas dire que vous allez donner moins, mais ça veut dire que pour la même somme, vous pouvez donner plus à l'Église. Et encore une fois, on a des jeunes qui aimeraient partir, qui aimeraient se former, qui aimeraient aller en école biblique. On a des jeunes qui sont missionnaires en ce moment déjà. On a Sandra à Dublin. On a des personnes qui ont à cœur. Est-ce qu'on veut soutenir l'avancée de l'Évangile ? Encore une fois, on ne recherche pas le don pour le don, on recherche le don pour l'œuvre de Dieu et aussi pour le fait que lorsque vous donnez, vous investissez pour l'éternité. Quelqu'un disait, donnez votre argent de votre vivant si vous voulez savoir qui c'est qui va l'avoir. Souvent, les gens laissent un héritage derrière eux. Le fisc en prend 40%, il ne se préoccupe jamais de ces choses-là. Donnez votre argent de votre vivant si vous voulez savoir qui c'est qui va l'avoir. C'est ça. Encore une fois, la dîme, on parle de la dîme, ça vient du mot latin dixième. Le principe de la dîme n'a pas changé. Le montant, encore une fois, c'est vous qui le déterminez avec Dieu. Il y a des exemples bien connus d'hommes qui se sont pas contentés de donner 10%. Il y a notamment le fondateur des céréales Kellogg, qui lui avait décidé en commençant sa compagnie qu'il donnerait 90% de ses bénéfices à l'œuvre de Dieu, à des œuvres chrétiennes. Et il n'a jamais cessé de progresser financièrement. Dieu l'a béni, il essayait de donner plus à Dieu qu'il pensait que Dieu pouvait lui donner, et Dieu l'a béni. Il y a un passage clé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, juste avant Matthieu, dans le prophète Malachie, verset 10, dans la Bible à la Colombe du chapitre 3. On va lire même à partir du verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un être humain peut-il frustrer Dieu ? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré ? Et Dieu répond, c'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Et là, il les met au défi. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vois pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Dieu nous met au défi. Si nous sommes généreux, il va nous donner encore plus. C'est une promesse. Et si vous avez compris la dîme, si vous avez commencé à pratiquer, vous avez pu le vérifier, j'en suis sûr. Encore une fois, c'est le verset clé, c'est « Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. » Mais avec la foi, il sait que nous lui faisons confiance, il est heureux. Il aime bien voir, comme un père qui aime bien voir ses enfants qui lui font confiance, il aime bien voir qu'on lui fait confiance. Il nous demande quelque chose, on dit « je ne comprends pas comment je peux donner 5% et arriver à payer tout ce mois-ci, mais je vais le faire, par la foi. » Et aussi bien, si vous ne le faites pas, la machine à laver va tomber en panne. D'un seul coup, c'est « ou la voiture ». La voiture va être accidentée. Est-ce que vous dépendez de Dieu pour toute chose ou pas ? Dieu, c'est le seul endroit où il nous dit de le mettre au défi. Donnez-moi et vous verrez si je ne donne pas. Il dit, vous me frustrez, vous ne me donnez pas la dîme. Vous en gardez pour vous. Souvent dans les églises, les gens font des dons, on amène les vêtements usés, et c'est une bonne chose, ça peut servir. On amène les vieux meubles, on amène les frigidaires qui ne marchent plus très bien, mais ça peut toujours servir. On n'amène pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est une réflexion de comment on considère Dieu ? Oh, Dieu n'a pas besoin de frigidaire, je peux donner celui-là, c'est pas grave s'il tombe en panne dans 3 semaines. Non, est-ce qu'on essaye de faire le mieux et de ne pas frustrer Dieu ? Et encore une fois, c'est Dieu connaît votre situation mieux que vous-même, il va vous mettre quelque chose à cœur, prier, demander à votre épouse si vous êtes marié ou à votre épouse si vous êtes marié, demander à des amis si vous pensez que votre idée est peut-être un peu farfelue. Mais sentez ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Et il se plaît à répondre. Et c'est ce que Paul continue de dire dans la lettre, revenant à Philippiens 4. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Ça aussi, c'est une promesse formidable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. On aime bien prendre le verset hors de son contexte et dire, vous en faites pas, Dieu va pourvoir à vos besoins. Mais le contexte, encore une fois, un texte sans contexte n'est qu'un prétexte. Le contexte, c'est des gens qui donnent. Ce sont des gens qui font confiance à Dieu pour leur permettre de vivre, même après un don qui est un sacrifice pour eux. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Matthieu 6 disait la même chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu sait que nous avons besoin de nous vêtir, que nous avons besoin de manger, que nous avons besoin d'avoir un toit sur la tête. Mais est-ce qu'on cherche ces choses d'abord ou est-ce qu'on cherche d'abord Dieu ? C'est une promesse. Il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Et sa richesse, elle est infinie. Il ne va pas prendre dans un compte en banque limité, fini. Il va pouvoir prendre dans un compte en banque infini. Dieu peut bénir aussi plusieurs personnes en même temps. Est-ce que vous le saviez ? Il peut bénir plusieurs œuvres en même temps. Il peut faire grandir des églises en même temps. Nous, parce qu'on a un esprit limité, on pense que les ressources de Dieu, quelque part, elles sont limitées. S'il bénit telle église, alors nous, on va être moins bénis. S'il bénit telle personne en lui donnant de l'argent, ça veut dire qu'il lui restera moins pour me bénir, moi. Non, selon la richesse de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il va pourvoir à tous vos besoins. Alors souvent, on parle là-dessus, vos besoins, pas vos désirs. C'est vrai qu'il promet de satisfaire les choses essentielles, mais il aime bien aussi donner un petit peu plus. Il aime bien donner parce que c'est un Dieu qui bénit. Il aime bien nous surprendre. Il aime bien nous donner un peu de rab. Waouh ! Je ne pensais pas que je pourrais avoir ça aussi. Allez, c'est bon, je te le donne. Certaines versions, certains textes, tous vos besoins, c'est tout votre besoin au singulier. On pense souvent à nos besoins. Si je demandais de faire une liste de vos besoins, je suis sûr qu'on arriverait à une centaine facilement, en quelques minutes, tout le monde écrirait de quoi avez-vous besoin. Mais le vrai besoin, le seul besoin que nous avons, c'est qui ? C'est quoi ? c'est Christ. C'est une relation de foi, d'intimité avec Christ. Et Dieu aussi, lorsqu'il voit notre cœur disposé à lui faire confiance, il nous donne cette relation intime. Il le donne avec gloire, d'une façon qui montre qui il est, d'une façon glorieuse, d'une façon qui montre son excellence. Et ça, il le donne en Christ Jésus. Chose merveilleuse, une merveilleuse promesse, mais trop souvent, on croit que c'est une promesse sans condition. La condition, le contexte, encore une fois, c'est des personnes qui se montrent généreuses envers Dieu et envers son œuvre et envers les gens qui l'envoie devant vous. Le fait de donner, c'est un devoir. Mais celui de recevoir n'est jamais un dû. Par là, qu'est-ce qu'on veut dire ? On ne doit pas avoir d'exigence de la part des autres. Et ça, c'est quelque chose des fois qui peut être une pierre d'achoppement, quelque chose qui va vous faire déraper dans votre paix intérieure, dans votre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que je ne tiens pas à savoir qui a donné quoi, combien, quand. Parce que j'y attends. Je pourrais avoir des exigences. Je pourrais dire c'est pas normal que telle personne, je sais qu'elle a une villa avec une piscine, je sais qu'il est directeur de telle compagnie, il doit gagner autant et tout ce qu'il donne, c'est moins que la personne qui n'a pas beaucoup de ressources. Et ça peut aussi être un cancer dans le sein des membres de l'Église. Je sais que nous avons des personnes qui sont dans différentes situations financières, d'autres, certaines qui n'ont pas encore un toit sur leur tête, certaines qui ont des grandes difficultés financières, d'autres qui sont en attente de papiers pour régulariser une situation, donc qui sont à la merci d'une décision de justice pour se retrouver renvoyés. Et la tentation, des fois, c'est de dire « c'est pas normal, telle personne devrait m'aider ». Et ça, c'est à Dieu de mettre sur le cœur des gens de vous aider. Et c'est jamais à nous de dire, c'est pas normal, je trouverais normal que telle personne fasse ceci pour moi ou pour l'Église ou pour... Non, n'ayons jamais ce genre d'attitude. Le verset 19, on l'a comparé à un chèque divin. Le banquier, c'est mon Dieu. La promesse, il va pourvoir, il va répondre. La somme promise, c'est soit, suivant les versions, tous nos besoins matériels, émotionnels, physiques et spirituels, ou simplement tout mon besoin de connaître Christ, de l'aimer, de le servir. Le capital en banque, vous savez que le gouvernement français va aider à la recapitalisation des banques parce qu'ils doivent plus d'argent qu'ils n'en ont à donner, vraiment. Le capital en banque, c'est la richesse de Dieu, sa richesse. Le mode de paiement, c'est pas à la sauvette, c'est avec gloire, ça va lui rendre gloire. La façon dont il a donné par ses amis qui ont aidé à l'achat des locaux, c'est une façon qui lui a rendu gloire. La signature du chèque, c'est Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et ça rejoint la promesse de Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par grâce? Comment est-ce qu'on peut douter que Dieu va pourvoir à nos besoins? Et c'est vrai que c'est quand on n'a rien, quand on est en retard pour payer le loyer, lorsque on peut perdre espoir, on peut se dire, on peut s'inquiéter. Et la parole dit, t'inquiète, prie. Priez que Dieu mette à cœur d'autres personnes de prendre de vos nouvelles, de prendre soin de vous aider en partie ou complètement. C'est un sujet qui nous touche de près. Nous avons tous, en général, le portefeuille tout près de notre corps. L'argent, c'est quelque chose pour lequel on fait des études, on travaille durement, on veut investir, on veut pas qu'il s'échappe. Et trop souvent, on a l'impression qu'on le donne à l'Église, on le donne à Christ. Alors, on se met en risque. Une remarque juste sur le passage de Malachie. Vous vous souvenez, il était dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme ». Ça, je crois que c'est très important et c'est précisé. Je ne sais pas si vous avez jamais pris le temps de regarder. On a des petits prospectus au-dessus de la boîte à offrandes dans lequel on explique un peu ces choses-là et notre conception de ce que sont la dîme et les offrandes. Il est dit, la maison du trésor, c'est aujourd'hui l'équivalent du compte général de l'Église. Et ça nous montre la différence entre la dîme et les offrandes. Si normalement vous devez participer à la vie de l'Église en donnant une dîme, encore une fois, ce n'est pas nécessairement 10%, ça peut être 20%, 25%, ça peut être 1%, ça peut être selon ce que Dieu vous met à cœur. Par contre, si vous voulez donner pour d'autres ministères chrétiens, pour des groupes para-ecclésiaux, pour des missionnaires, au-delà de cette dîme, alors ça devient des offrandes. Et vous pouvez donner de façon désignée. Vous pouvez soit mettre une petite note, voici il y a 10 euros qui sont pour tel ministère ou pour telle personne qui est dans le besoin. Mais de toute façon, les dons, ce n'est pas un moyen d'influencer Dieu, d'obtenir sa faveur, ni de gagner des bons points. Ils sont un acte de foi et d'obéissance qui constitue en lui-même une bénédiction. Comme Jésus l'a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Donc aujourd'hui, en terminant, je veux vous remercier. Remercier tous ceux qui fidèlement soutiennent le travail de cette Église et vous dire aussi qu'on aimera faire davantage, on aimera soutenir des personnes qui veulent se lancer dans le ministère à temps plein ou faire des études et que là aussi, ça dépend de notre générosité à tous. Paul termine sa lettre en disant qu'il leur demande de saluer tous les saints en Christ. Il ne leur dit pas « bonjour à tous ». Il veut qu'ils disent de leur part, Paul vous envoie ses salutations, son amour. Et il dit une chose qui doit réjouir les habitants de Philippe, c'est qu'il y a des saints en Christ Jésus à Rome. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Et il y a des saints dans la maison de César. C'est-à-dire que l'évangile a commencé à toucher l'administration de l'Empire romain. Des hauts personnages ont été touchés. Et ça, c'était un sujet de prière au début de la lettre des Philippiens. La prière, le fait qu'ils soutiennent Paul, ça produit du fruit. Et c'est un fruit qui sera au compte céleste de toutes les personnes qui sont derrière l'Église de Philippe. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La grâce, cette faveur non méritée de Dieu, c'est aussi ma prière. l'épître de la joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus si nous savons donner et recevoir sans exiger avec générosité. La Bible parle souvent d'argent. Et l'argent, encore une fois, ce n'est pas un mal en soi, c'est l'amour de l'argent qui est la source d'un grand nombre de péchés. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui explique ce que doivent être nos motivations, notre fidélité. Et Seigneur, encore une fois, c'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui nous montre comment fonctionner. Ma prière, ce serait que jamais on ait à se dire, tiens, on avait quelque chose à cœur qu'on n'a pas fait, par désobéissance, par négligence, et de se dire qu'on a raté une grande occasion de faire avancer ton évangile. Je te demande pardon personnellement pour les fois où j'ai fait ça. Je te prie de bénir tous mes frères, tous mes sœurs. Merci pour tous ceux qui donnent de leur pauvreté, ne serait-ce que 50 centimes ou quelques euros. Merci pour ceux qui peuvent donner plus et qui le font aussi, Seigneur. Bénis-les en retour. Montre-leur la vérité de ta parole, qu'il vaut mieux faire confiance à toi qu'aux plus grandes banques du monde, Seigneur. Merci pour cet enseignement pratique et des fois inconfortable parce que nous savons qu'il touche à quelque chose qui nous est très cher. Mais Seigneur, aide-nous à voir tes priorités, aide-nous à voir ta compréhension des choses. Et Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à mettre en place très rapidement cette association qui nous permettra d'être un véhicule de ta grâce et de ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.